La seule idée qui fait que je ne suis pas tombé. Je ne suis pas tombé. Seule idée qui fait que je ne suis pas tombé. C'est toi.